Soldats, retirez-vous et gardez bien la porte. As-tu donc pour la vie une haine si forte, malheureux Polyeucte? Et la loi des chrétiens t'ordonne-t-elle ainsi d'abandonner les tiens? Je ne hais point la vie, j'en aime l'usage, mais sans attachement qui sente l'esclavage, toujours prête à la rendre au Dieu dont je la tiens. La raison me l'ordonne et la loi des chrétiens. Et je vous montre à tous par là comme il faut vivre, si vous avez le cœur assez bon pour me suivre. Te suivre dans l'abîme où tu te veux jeter? Mais plutôt dans la gloire où je m'en vais monter. Donne-moi pour le moins le temps de la connaître. Pour me faire chrétien, sire-moi de guide à l'être. Et ne dédaigne pas de m'instruire en ta foi, ou toi-même, à ton Dieu, tu répondras de moi. N'en riez point, Félix, il sera votre juge. Vous ne trouverez point devant lui de refuge. Les rois et les bergers y sont d'un même rang. De tous les siens, sur vous, il vengera le sang. Je n'en répondrai plus. Et quoi qu'il en arrive, dans la foi des chrétiens, je souffrirai qu'on vive. J'en serai protecteur. Non, non, persécutez et soyez l'instrument de nos félicités. Celle d'un vrai chrétien n'est que dans les souffrances. Les plus cruels tourments lui sont des récompenses. Dieu, qui rend le centuple aux bonnes actions, pour comble donne encore les persécutions. Mais ces secrets, pour vous, sont fâcheux à comprendre. Ce n'est qu'à ses élus que Dieu les fait entendre. Je te parle sans fard et veux être chrétien. Qui peut donc retarder l'effet d'un si grand bien? La présence importune. Et de qui? De Sévère? Pour lui seul, contre toi. J'ai faim tant de colère. Dissimule un moment, jusque à son départ. Félix, c'est donc ainsi que vous parlez sans fard? Portez à vos païens, portez à vos idoles, le sucre empoisonné que versent vos paroles. Un chrétien ne craint rien, ne dissimule rien. Aux yeux de tout le monde, il est toujours chrétien. Ce zèle de ta foi ne sert qu'à te séduire, si tu cours à la mort plutôt que de m'instruire. Je vous en parlerai ici hors de saison. Elle est un don du ciel et non de la raison. Et c'est là que bientôt, voyant Dieu face à face, plus aisément pour vous, j'obtiendrai cette grâce. Ta perte, cependant, me va désespérer. Vous avez en vos mains de quoi la réparer. On vous autant un gendre, on vous en donne un autre, dont la condition répond mieux à la vôtre. Ma perte n'est pour vous qu'un change avantageux. Cesse de me tenir ce discours outrageux. Je t'ai considéré plus que tu ne mérites. Mais malgré ma bonté, qui croit plus tu l'irrites, cette insolence enfin te rendrait odieux, et je me vengerai aussi bien que nos dieux. Quoi? Vous changez bientôt d'humeur et de langage. Le zèle de vos dieux rentre en votre courage, celui d'être chrétien s'échappe, et par hasard je vous viens d'obliger à me parler sans fard. Ne présume pas que, quoique je te jure, de tes nouveaux docteurs je suive l'imposture. Je flattais ta manie, afin de t'arracher du honteux précipice où tu vas trébucher. Je voulais gagner temps pour ménager ta vie, après l'éloignement d'un flatteur de Décy. Mais j'ai trop fait d'injures. Allons au Dieu tout-puissant, choisis de leur donner ton sang ou de l'encens. Mon choix n'est point douteux, mais j'aperçois Pauline. Oh, ciel!